L'homme n'est pas un empire dans un empire. Cette citation de Spinoza, énoncée dans la préface à la troisième partie de l'éthique, sonne comme un cri dans une époque cartésienne, qui distingue le corps de l'esprit autant que l'homme de la nature. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de diminuer la puissance de l'esprit humain, mais au contraire de nous inviter à suivre un itinéraire philosophique entièrement dirigé vers la formulation d'une substance unique, absolument infinie, dont nous serions les attributs et qui porterait le nom de Dieu, c'est-à-dire de nature. Le problème, si l'on fait de l'homme un empire dans un empire, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui serait prêt à contre-attaquer. Ceux qui ont écrit des affects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Qu'est-ce que c'était? Une espèce de droïde. Je l'ai à peine touché, il devait avoir un système d'autodestruction. C'est l'Empire qui a envoyé un droïde sonde. Ça veut dire que l'Empire nous a repérés. Il faut commencer l'évacuation. Bonjour Pascal Sévrac. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que le spinoziste que vous êtes est davantage du côté de la base rebelle que du côté de l'Empire, non? Oui, on pourrait dire ça. En même temps, on voit que ni la base rebelle ni l'Empire ne sont des empires dans un empire, puisqu'ils sont en interaction et ils persévèrent chacun dans leur être. Donc d'une certaine manière, c'est des modalités de la nature qui font tout pour se conserver et même augmenter leur puissance. Et la preuve que ce ne sont pas des empires imperméables, c'est que si la base rebelle n'est pas détruite, ce sera l'Empire qui le sera. Et bien sûr, l'Empire pourra se reconstituer. Et puis, de toute façon, le mauvais Empire, il est aussi en soi-même. On est à la fois du côté de l'Empire et des rapports de pouvoir, et puis du côté de la rébellion. Mais en effet, on voit que ni l'un ni l'autre ne sont des citadelles complètement fermées sur soi-même. Vous êtes Pascal Sévrac, professeur de philosophie à l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Vous enseignez à l'INSPE, l'École supérieure du professorat et de l'éducation, membre du laboratoire LIS, L-I-S, Lettres, Idées, Savoirs, et spécialiste, on l'aura compris, de la philosophie spinoziste. C'est avec vous que nous allons commenter cette phrase, hein. Donc l'homme n'est pas un empire dans un empire, il faut le dire. Le texte se trouve à un moment clé de l'éthique. Nous sommes dans la préface de la troisième partie des affects, hein, de l'éthique. Et on l'entend bien dans le texte, même si on va l'entendre plus précisément et plus longuement dans un instant. Spinoza s'adresse à certaines personnes qui sont sans doute ses détracteurs, ou en tout cas il veut marquer une distance avec ses contemporains ou ceux qui l'ont précédé de peu. Et j'imagine que parmi ces personnes-là, on trouve Descartes, non? Alors oui, on trouve peut-être Descartes, en tout cas un certain Descartes, ou peut-être une caricature de Descartes, celui qu'on a souvent un peu réduit à l'idée que l'homme devait devenir maître et possesseur de la nature, et qu'il y avait donc dans l'humanité quelque chose de prométhéen, ou en tout cas de surplombant par rapport à la nature. Sans doute que Spinoza critique l'idée du libre arbitre qui serait justement cet espace de non naturalisé, cet espace en dehors de la nature qui est propre à l'homme. Mais en fait, dans la préface de la partie 3 de l'éthique, dont on a entendu un extrait, Spinoza est plutôt donne une place plutôt à part à Descartes, c'est-à-dire que ceux à qui il s'en prend, c'est aux moralistes, à ceux qui moralisent tout et qui pensent qu'il y a un vice de la nature humaine. Et que si, quand on regarde le spectacle de l'histoire du monde, on a affaire à tant d'horreurs ou à tant d'imbécilité, c'est donc qu'il y a quelque chose, un péché originel, en tout cas un vice de forme en l'homme. Alors, c'est contre ça qu'il se bat avant tout. Et de Descartes, il dira d'ailleurs que lui a plutôt était assez pénétrant dans ses considérations sur la nature humaine, même si, ça Spinoza ne reviendra jamais là-dessus, il est en complet désaccord avec cette idée que quelque chose de l'homme échappe à la nature, à savoir le libre arbitre, cette puissance non déterminée de se déterminer. Non, la liberté, c'est de la puissance d'agir, mais la puissance d'agir, elle est pleinement déterminée par soi-même et par ses rapports avec la nature au sens biologique et aussi la nature au sens social du terme. Oui, on va voir tous ces points justement au cours de l'heure qui nous attend. Et si on revient précisément sur la formule, je voudrais qu'on essaye de la comprendre avant d'entendre le texte en entier. Justement, on dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le terme d'empire ici? Ça veut dire comme si l'homme était une entité qui elle-même prenait place dans une entité plus large qu'elle, qui serait la nature, et que les deux seraient absolument séparés l'une de l'autre. C'est ça qui est quelque chose d'incommunicable. C'est ça que veut dire l'expression « un empire dans un empire » ? Oui, c'est ça, incommunicable. Empire dans un empire, bon, c'est imperium in imperio, c'est un état dans l'état. Comme s'il y avait une imperméabilité de la nature humaine aux déterminations, aux influences, aux échanges, à la communication, comme vous dites bien, avec les autres parties de la nature. Or, à partir de quoi Spinoza construit sa pensée, c'est avec cette idée que l'homme n'est qu'une modalité parmi bien d'autres de la nature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est réduit à rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est qu'impuissance. Comparé à la puissance d'autre chose, bah oui, il a des impuissances, mais il est aussi capable, et ça, du point de vue historique, on le voit très bien, il est capable de faire beaucoup de choses, pour le meilleur comme pour le pire, mais il le fait toujours en interaction. Donc, c'est cette idée d'interaction ou de causalité réciproque qui est au cœur de ce rejet de la représentation de l'homme comme un empire dans un empire, qui serait au fond indifférent à ce qui se passe autour de lui, et surtout qui serait imperméable, sans être affecté par les modalités du monde extérieur. Or, justement, ce qu'est l'homme, c'est une puissance d'être affecté et d'affecter. Ouais, c'est là où finalement l'image, la référence à Star Wars n'est pas hors sujet, puisque l'Empire qui précisément va contre-attaquer, c'est celui qui veut essayer de dominer la résistance, et c'est une affaire de pouvoir. Or, Spinoza le dit bien, ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Oui, d'une certaine manière, mais on pourrait dire aussi que le pouvoir, ça n'est jamais que de la manifestation de puissance. C'est, on pourrait définir le pouvoir comme la puissance qu'on exerce sur la puissance des autres. Alors, on est toujours obligé d'en exercer de la puissance sur des enfants, sur ceux dont on est responsable ou qu'on veut faire travailler, etc. Donc, il y a toujours, dans les rapports sociaux que les hommes tissent entre eux, des rapports de pouvoir. Je ne crois pas que Spinoza pourrait dire qu'on peut s'en abstraire. Mais il développe quand même une éthique au cœur de sa politique, et une éthique qui, elle, est une éthique de la libération de la puissance. Et l'idée de Spinoza, c'est que c'est pas en exerçant sa puissance sur ou contre les autres qu'on est le plus puissant, d'une certaine manière. C'est en essayant de faire cause commune, en essayant d'être ensemble. C'est comme ça qu'on arrive à être plus puissant. Alors, certains diraient, c'est quoi ce bel idéal? Toute l'éthique de Spinoza, c'est de montrer, au fond, qu'à travers un égoïsme bien compris, on peut développer une forme d'altruisme, c'est-à-dire essayer d'agencer, de connecter, de composer sa puissance avec celle des autres, mais pas par, on va dire, une bienveillance naturelle, mais par un bon calcul d'intérêt. Il est meilleur pour moi-même et pour le développement de ma puissance de faire cela en harmonie avec les puissances des autres, en me nourrissant de la puissance des autres, qu'en étant dans le conflit et l'arraisonnement de la puissance de l'autre. Alors on va écouter le texte, Pascal Sévrac, lu par le comédien Éric Herson-Macarel. Le texte, donc, je le rappelle, qu'on trouve dans la préface de la troisième partie de l'éthique. On commentera cette préface parce que, je l'ai dit, elle est très importante dans le cadre du déroulé de l'éthique. Et puis surtout, on commentera aussi ce que Spinoza entend par nature. Parce que dire que l'homme n'est pas comme un empire dans un empire, ça veut dire que l'homme ne se pense pas indépendamment de la nature qui serait autour de lui, mais qui pourrait exister sans lui, et inversement. Alors voici le texte, et puis vous aiderez à le comprendre ensuite. Pour la plupart, ceux qui ont écrit des affects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Car ils croient que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une absolue puissance et n'est déterminé par ailleurs que par lui-même. Ensuite, ils attribuent la cause de l'impuissance et de l'inconstance de l'homme non pas à la puissance commune de la nature, mais à je ne sais quel vice de la nature humaine, si bien qu'ils en pleurent, en rient, en mésestiment, ou bien, et c'est le cas le plus courant, la maudissent. Et qui montre plus d'éloquence ou d'ingéniosité à dire du mal de l'impuissance de l'esprit humain est tenu pour divin. Il n'a cependant pas manqué d'hommes très éminents pour écrire maintes choses remarquables sur la droite façon de vivre et donner aux mortels des conseils pleins de prudence. Mais quant à la nature des affects et à leur force, et ce que peut l'esprit en revanche pour les maîtriser, nul que je sache ne l'a déterminé. Et c'est ainsi que naît le projet spinoziste, Pascal Sévrac. Déterminer la nature de ces affects et leurs forces et ce que peut l'esprit pour les maîtriser, nul ne l'a encore déterminé, c'est ce que je m'apprête à faire, nous dit Spinoza ici. Oui, c'est son projet. Alors on a parfois résumé cela en disant qu'il allait géométriser les affects. En tout cas, il va les étudier, comme il dit, comme s'il s'agissait de volumes, de lignes, de plans, de corps, comme il dit. Et il va, d'une certaine manière, naturaliser l'intériorité psychique, celle des idées et celle des sentiments, celle des affects, et essayer de comprendre les propriétés communes de nos affects, quelles propriétés ont en commun nos joies, nos désirs, nos tristesses, comment se fabriquent nos amours, nos haines, qu'est-ce qu'il en sort comme désir de vengeance, de bienveillance, etc. Et il essaye comme ça de faire... À la manière géométrique, en prenant comme modèle Euclide, de faire une mathématique de la vie affective. Et son ambition, c'est justement de développer une certaine puissance par la connaissance et aussi par la production de nouveaux affects que produit cette connaissance, afin justement de pouvoir, sinon maîtriser, du moins modérer les affects passionnels qui sont notre lot quotidien. Donc plutôt que de dire « Ah, la nature humaine, elle est bien méchante, bien impuissante, il y a peut-être même un vice en elle, et l'homme est une espèce, on pourrait dire, plutôt nuisible, etc. » Non, on essaie de la comprendre, on essaie de voir comment elle fonctionne, et on essaie petit à petit de modifier ce qui peut l'être pour que son fonctionnement nous soit plus utile. Alors c'est vrai que quand on lit le texte, et surtout avec la situation actuelle, et qu'on lit une phrase comme « Il croit que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit », certains pourraient dire « Ah ben Spinoza, c'est fini, il a un peu tort là, parce que l'homme perturbe pas mal l'ordre de la nature ». Alors il faut voir ce que d'abord Spinoza appelle la nature. La nature, c'est d'une certaine manière l'univers tout entier. C'est pas seulement notre environnement, c'est pas la biosphère, l'ensemble des êtres vivants. Alors, on a la puissance, surtout si on considère qu'on est entré dans l'anthropocène, on a la puissance d'agir sur notre milieu naturel, sur notre environnement, sur le climat. Et c'est une puissance qui produit des dégâts, ça c'est sûr. Mais d'une certaine manière, c'est encore en obéissant aux lois de la nature, et notamment aux lois affectives de la nature humaine, qui est une modalité dans la nature pris dans son ensemble, qu'on produit tous ces effets nuisibles. Et donc l'idée, c'est de comprendre au mieux la nature humaine pour la développer de façon la plus utile. Parce que lorsqu'elle se développe, je ne sais pas, dans la passion captation de plus de ressources naturelles possibles, en faisant le plus de fric possible, elle produit des effets qui peuvent se retourner contre elle-même. Mais Pascal Sévrac, vous parlez de nature humaine. Or, si on reprend même depuis le début de l'éthique, Spinoza conçoit une substance unique, absolument infinie, qu'il appelle Dieu. qui est aussi la nature, et dont les hommes seraient des attributs, mais au fond appartenaient aussi à cette même substance. Y a-t-il une spécificité de la nature humaine chez Spinoza ? Ah, ça, c'est une très belle question. Effectivement, d'une certaine manière, Spinoza n'est pas du tout anthropocentriste. Il met pas du tout l'homme au cœur de l'univers en pensant que les choses ont été faites pour l'homme et que l'homme a été fait pour honorer les dieux. Mais en même temps, il dira tout à fait que les hommes ont en commun des propriétés qu'ils n'ont pas en commun avec d'autres types d'individus. Donc oui, on peut parler d'une nature humaine, même si on n'arrive pas très bien à la définir, on n'arrive pas très bien à la délimiter. Et Spinoza, le premier, jamais ne la clôturera pour ne pas exclure tel ou tel type d'individu de la nature humaine. Mais on pourrait dire que les propriétés de la nature humaine, c'est d'abord et avant tout des propriétés sans doute organiques. Mmh. C'est comme ça que Deleuze concevait les propriétés humaines, les propriétés communes. Il disait ces propriétés communes biologiques. Ben oui, le corps d'un l'organisme humain, c'est pas l'organisme canin, ni l'organisme équin, c'est pas un organisme végétal, ça fonctionne pas pareil. Ça veut pas dire pour autant que les autres types d'individualité ne fonctionnent pas avec beaucoup de complexité et même d'intelligence. Et ça veut dire qu'on peut étudier les affects humains, parce que c'est ça quand même qui nous mobilise le plus, les émotions, ce qui nous met en mouvement, c'est avant tout les affects. Eh bien, on va étudier les propriétés des affects humains. Ça ne veut pas dire que d'autres types d'espèces n'ont pas aussi des affects, mais avant tout, c'est cela qui nous intéresse, parce que c'est sur cela qu'on veut agir pour que, en effet, notre vie affective soit pas trop triste, soit pas trop misérable, et nous permette quand même une certaine forme d'épanouissement. Donc, on est des modalités de la nature. Spinoza dirait pas des attributs, parce qu'il entend par attribut plutôt la pensée dans son infinité, la matière ou l'étendue dans son infinité. On est des modalités de ces attributs, qui sont eux-mêmes des dimensions de la substance. Mais ces modalités, elles ne se dissolvent pas dans la substance. Elles ont quand même une consistance. C'est pour ça que Spinoza peut parler d'essence, peut parler de nature, même si jamais il ne veut affirmer que ces natures sont étanches, sont imperméables au rapport avec les autres. Donc il faut penser les deux à la fois chez Spinoza. À la fois l'interaction, l'interconnexion, et en même temps, quelque chose comme des identités. Ce sont des identités ouvertes, ce sont des identités perméables. La frontière entre l'extérieur et l'intérieur est brouillée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'intériorité, ça ne veut pas dire pour autant que quelque chose comme de l'humain n'existe pas. Si, de l'humain existe, et il est en rapport avec toutes les autres formes de la nature. Là, je sens bien que je suis à la campagne, la vraie campagne. Ici, à Zao, on sent la différence. La campagne ? Ah, pardon, je disais pas ça méchamment. Non, non. Justement, c'est un point important. Hein ? Les gens de la ville, ils ont tous la même réaction devant une forêt, un bois ou une rivière. Ils peuvent pas s'empêcher de s'émerveiller devant la nature. Mais à part au fin fond des montagnes, c'est pas si sauvage. Le paysage qu'ils appellent la campagne a été façonné par l'homme. Par l'homme ? Oui, par les paysans. Cette forêt, là aussi ? Oui. Ce bois aussi ? Oui. Et cette rivière, là ? Aussi. L'action des hommes ne se limite pas aux champs et aux rizières. Tout ce que tu vois ici a sa propre histoire. Tel endroit a été défriché ou cultivé par l'arrière-grand-père de quelqu'un. Cet endroit est le résultat d'une lutte. Une lutte entre l'homme et la nature. On vit ici en profitant de ce qu'elle nous donne, et ça a fini par façonner le paysage. C'est pour ça que la nature est si précieuse. Ils ont dû faire en sorte d'en prendre soin, afin qu'elle puisse continuer à leur offrir ses bienfaits. En un sens, c'est une collaboration entre l'homme et la nature. Voilà ce qu'on appelle la campagne, en fait. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Voilà ce qu'on appelle la campagne, en fait. C'est le personnage du film d'animation japonais Souvenir goutte à goutte d'Isao Takahata, produit par Miyazaki, qui date de 1991, qui prononce cette phrase. Ce que lui appelle campagne, justement, dans cet extrait, Pascal Sevrac, est assez fidèle, me semble-t-il, à l'interaction que Spinoza essaye de penser entre l'homme et la nature, puisqu'il ne distingue pas vraiment les deux, même si vous nous avez dit qu'il y avait un sens à parler d'identité humaine. Pensez le lien entre l'homme et la nature sous forme, non pas d'une perturbation, mais d'une collaboration. Il y a quelque chose de spinoziste, là. Oui. Alors, dans l'extrait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, le personnage définit les rapports à la nature en termes de lutte, et puis aussi en termes de collaboration ou de coopération. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il faut lutter contre les forces de la nature qui sont pas là au service de la puissance humaine. Et donc, il y a bien des phénomènes naturels qui peuvent détruire l'homme, un virus ou un tremblement de terre. Mais il existe aussi bien des forces de la nature qui peuvent contribuer à l'affirmation de la puissance humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a un brouillage de la frontière entre le naturel et le culturel. Ce que Spinoza appelle la nature, c'est tout aussi bien le social. Et d'ailleurs, dans la campagne, c'est bien difficile de dire ce qui relève du pur naturel et ce qui relèverait de la pure intervention humaine. Ça s'est déposé en couches, de telle sorte qu'on a affaire à un paysage qui relève de la nature. Il y a des processus qui se font par eux-mêmes. Mais il y a aussi bien des choses qui relèvent de tout un travail humain, d'une intervention humaine. Et la nature, c'est justement, ou la campagne, c'est justement cette, ce mixte d'interactions parfois violentes, c'est pour ça qu'on peut parler aussi de lutte, mais aussi de coopération, de collaboration, qui font que l'homme aménage son territoire, mais on voit très bien aussi que une campagne paisible, c'est pas le seul mode d'intervention de l'humain. L'humain aussi est dans la surexploitation des ressources naturelles, dans la maximisation des profits à partir de ce qu'il trouve dans la nature. Et ça se fait au dépens finalement de sa propre conservation à lui. C'est pour ça que... Ça, comment Spinoza l'expliquerait, justement, puisqu'il montre que l'homme est mu par l'instinct, enfin le désir de préserver sa puissance d'exister. Comment il expliquerait le fait que nous sommes en train de détruire la nature à laquelle nous appartenons? Eh bien, parce qu'on le fait pas de manière adéquate. Et qu'il y a des formes aliénées ou serviles d'affirmer sa puissance d'agir, de persévérer dans son être, et il y a des formes plus adéquates. C'est-à-dire que tout le temps, on persévère dans son être, qu'il s'agisse du pire des salopards, de l'empire qui contre-attaque ou des rebelles, chacun persévère. Mais il y a peut-être des manières de le faire de façon plus ou moins adéquate, et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire de telle sorte qu'avec l'autre, il y ait une composition possible pour affirmer sa puissance. Mais c'est pas toujours possible. Parfois, il faut savoir aussi taper fort, ou il faut savoir dire non, et savoir aussi déterminer, délimiter ses ennemis. Mais ce que dirait Spinoza, c'est que, d'une certaine manière, avec la nature, tout est permis, mais tout est permis au sens où il s'agit quand même de vivre le mieux possible. Or, on se rend bien compte qu'en voulant être maître et possesseur de la nature, on maîtrise et on possède plus rien. Et qu'il y a bien des choses qui nous échappent. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir technophobe et qu'on va revenir à, forcément des formes naturopathes de rapport avec soi-même. Donc peut-être revenir à une certaine forme de sobriété sera nécessaire. Mais pourquoi? Non pas avant tout parce qu'il s'agit de protéger ce qui n'est pas humain, mais avant tout parce qu'il s'agit de protéger ce qui est humain. Et ce qui est humain est en rapport avec du non-humain, et d'une certaine manière, donc, le non-humain, il fait partie de l'humain, il nous est tout à fait utile. Oui. Et donc c'est pour ça qu'à la fois, et c'est vrai que c'est une tension, c'est difficile à maintenir ensemble, il faut dire que l'humain, c'est pas n'importe quoi, et en même temps, si l'humain est en rapport avec ce qui n'est pas lui, ce qui n'est pas lui est essentiel, et est essentiel sans doute pour lui-même, mais est essentiel pour l'humain. Chez Spinoza, il y a une éthique, c'est ce qui différencie le spinozisme de Hobbes. C'est-à-dire que chez Hobbes, d'une certaine manière, il n'y a pas de bien souverain, il n'y a pas de... Spinoza, non, nous dit que, oui, on est dans un monde sans doute de rapport de force, mais qu'on peut essayer de concevoir un mode de vie qui soit le plus utile possible à soi et aux autres. Et pour cela, il faut sans doute... Utile, vous dites, et pas bon. Ce qui est utile est bon, au fond. Oui, pour Spinoza, oui. On désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais on la décrète bonne parce qu'on la désire. Oui, mais on pourrait dire que le bon et l'utile vont ensemble. Au fond, le bon et l'utile, c'est ceux qui procurent de la joie, c'est-à-dire de l'augmentation de puissance. Mais cela, bien compris, ne signifie pas que tout soit utile en termes d'action sur la nature. Oui. Dès lors que ça se retourne contre l'homme, on peut se dire, alors parfois on procède par essai et par erreur, mais on a suffisamment fait d'erreurs pour se dire qu'il y a peut-être des modalités de rapport à la nature qu'il faut laisser tomber, dans la mesure où non seulement c'est nuisible aux ruisseaux, aux autres animaux, etc., ce qui peut faire beaucoup de peine, mais c'est aussi et surtout nuisible à l'homme. Et donc l'homme se fait du mal en essayant d'affirmer sa puissance. Il l'affirme donc mal. C'est là où cette phrase que nous commentons aujourd'hui, l'homme n'est pas un empire dans un empire, est en fait une formidable voie d'entrée dans la pensée spinoziste, parce que ça permet de penser la manière qu'a Spinoza d'élaborer une réflexion sur l'homme en le faisant toujours le lieu d'une interaction, de connexion. Vous insistez depuis le début de notre discussion, puis on va continuer dans cette voie, hein, sur le fait que l'homme, l'individu que pense Spinoza, n'est jamais seul et que sa puissance augmente quand il interagit avec d'autres puissances. Et au fond, c'est peut-être le paradoxe du spinozisme. C'est que d'un côté, c'est un monisme, c'est-à-dire c'est pas un dualisme. Il y a une substance unique, nous sommes dans une immanence, c'est quelque chose de très qui pourrait être presque totalitaire avec l'unicité qui s'annonce. Et en même temps, Spinoza est le penseur des rencontres, de l'absence de manichéisme et de polarité, d'opposition claire entre un bien et un mal, entre l'homme et la nature. Il est le penseur de ces rencontres et de ces intrications, comme le disait bien Deleuze. Et ça, c'est passionnant de s'en rendre compte. Oui, oui. C'est vrai que on est dans une pensée de la relation, mais qui ne veut pas non plus dissoudre les termes qui entrent en relation. Donc, dire que on n'est pas dans une pensée de la seule substance, même si effectivement ce qui est, c'est de la substance, mais ce qui est, c'est aussi toutes les modifications. Et on appartient au fond à une même chair, à un même tissu. Et il y a ce fond de communauté à partir duquel on peut chacun, à sa manière, se singulariser. Et c'est ce fond de communauté à partir duquel il faut penser. Donc effectivement, Spinoza le premier dirait, au fond, on ne pense jamais seul. On peut arriver à penser par soi-même, mais jamais tout seul. C'est parce qu'on y aura été déterminé par des rencontres, un professeur, un ami, des parents, un musée qui nous ouvre à des œuvres inouïes, mais aussi l'ordinateur ou Internet qui peut nous frayer des chemins. Alors, en effet, parfois impossibles, mais parfois très utiles. Et c'est justement à travers cette détermination par l'autre que une augmentation de puissance est possible, qui deviennent de plus en plus autonomes. Mais on ne commence jamais tout seul. Alors, l'une des questions qu'on pourrait poser à Spinoza, c'est, d'accord, ok, il faut être affecté par l'altérité, on s'en sort, on se sauve pas tout seul, on se sauve aussi avec les autres, par les autres, mais d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est une vraie question, on se perd aussi par les autres. Et c'est pour ça que rien en soi n'est bon ou mauvais. Voilà, j'ai pris l'exemple d'Internet, on trouve les pires choses, mais c'est en même temps très utile. Donc, il y a un bon usage des choses à avoir, parce qu'en elles-mêmes, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles vont être utiles si on ne se laisse pas déborder par elles et si on arrive justement à se laisser vraiment affecter pour penser un peu contre soi-même, oui. Pour essayer de ne pas être toujours dans des espèces de canaux ou d'habitudes affectives, pour se laisser un peu sans doute secouer, déborder, mais aussi jamais au point où il s'agirait de... Enfin, le problème, c'est que souvent, le fait d'être affecté par l'autre est une espèce d'absorption qui fait qu'on ne pense plus et qu'on se laisse déposséder de toute sa puissance en la mettant, en la déposant dans les mains d'un autre, d'un grand autre. Donc, c'est un véritable enjeu. C'est jamais solitaire, mais toujours solidaire. Ouais. Et en même temps, essayer de tisser quand même avec les autres des rapports tels que on ne se décharge pas de sa propre puissance sur un groupe, sur un être qui serait un directeur de pensée, de conscience, etc. Oui. Vous citiez Hobbes, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Spinoza, lui, affirme que l'homme est un dieu pour l'homme. On va entendre un autre texte qui montre bien que si pour Spinoza, justement, l'homme est plongé dans un déterminisme, il est aussi un être social, vous l'avez bien dit, et le fait qu'il soit un être social lui permet tantôt d'augmenter son pouvoir d'agir et tantôt, au contraire, de le diminuer. Alors, pourquoi a-t-il besoin de dire que l'homme est un dieu pour l'homme? Est-ce que ça veut dire qu'il est absolument indispensable à autrui? Écoutez le texte, vous nous direz ensuite. L'expérience atteste chaque jour par tant de si lumineux témoignages que presque tous ont ce mot à la bouche « l'homme est un dieu pour l'homme ». Et pourtant, il est rare que les hommes vivent sous la conduite de la raison. Ils sont fabriqués de telle sorte qu'ils sont pour la plupart envieux et pénibles les uns aux autres. Et néanmoins, ils ne peuvent guère passer toute leur vie tout seuls, si bien que la définition qui dit que l'homme est un animal social a tout à fait souri à la plupart d'entre eux. Et en vérité, le fait est que de la société commune des hommes naissent bien plus de commodités que de dommages. Laissons donc les satiriques se moquer autant qu'ils veulent des choses humaines, les théologiens les maudire, et les mélancoliques louer autant qu'ils peuvent la vie sauvage et rustique, mésestimer les hommes et admirer les bêtes. Cela n'empêchera pas les hommes de constater par expérience qu'une aide mutuelle leur permet de se procurer beaucoup plus facilement ce dont ils ont besoin. Et ce n'est qu'en joignant leurs forces qu'ils peuvent éviter les dangers qui partout les menacent. Pour ne rien dire ici du fait qu'il vaut bien mieux, qu'il est plus digne de notre connaissance, de contempler les actes des hommes plutôt que ceux des bêtes. Toutes les enquêtes montrent, par le simple fait de la corrélation entre la réussite sociale et scolaire et l'origine sociale, que la famille reste une instance de transmission capitale. Pour une raison simple, par le simple fait que la famille a la priorité. Bon, c'est la famille qui commence. Bon. C'est-à-dire que c'est elle qui fournit les dispositions, disons les lunettes, à travers lesquelles vont être perçues toutes les influences ultérieures. Hein, on percevra les copains, on les choisira inconsciemment en fonction de l'origine sociale. On se mariera avec, voilà un exemple. C'est l'homogamie, ce qu'on appelle un mot affreux de sociologue, enfin, le fait que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que les deux conjoints ont à peu près la même origine, et statistiquement bien sûr. Bon, en fait, il va de soi que si on demande aux conjoints s'ils se sont mariés consciemment sur la base de la recherche de l'homogénéité sociale maximum, ils seront révoltés. Bon, ils diront tout ce qu'on dit en pareil cas, coup de foudre, amour, passion, etc. Bon, en fait, comment cela se passe-t-il? C'est là que le goût interviendrait. Bon, ils ont choisi en toute liberté leur conjoint nécessaire, bon, celui qui était assorti, comme on dit, de deux tissus qui sont assortis, celui qui allait bien avec. Bon. Et celui qui allait bien avec, ils l'ont choisi en fonction de quoi? En fonction d'un goût qu'ils ont acquis très tôt, à travers, je sais pas, en jouant au Lego sous le piano de maman, etc. Ah bon, voilà. Donc, les influences primaires, celles qu'exerce la famille, sont le principe de l'effet de toutes les autres influences. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est le dernier temps de notre série d'émissions autour de Spinoza, quatre malentendus spinozistes, quatre phrases spinozistes que nous avons commentées pour vous chaque jour. L'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est la phrase du jour que nous commentons en compagnie du philosophe Pascal Sévrac. Il est chez lui, je suis chez moi, évidemment. Et nous pouvons vous parler, chers auditeurs. Alors, dans quelle mesure est-ce que le déterminisme social, un, est inéluctable, deux, aurait peut-être des vertus? Vous avez entendu d'abord le texte de Spinoza et puis ensuite la voix de Pierre Bourdieu, vous l'aurez sans doute reconnu, qui parlait, commentait le mécanisme de déterminisme à l'œuvre dans l'instance familiale. Le premier des déterminismes, dit-il, parce que c'est celui avec lequel tout commence. Un enfant naît la plupart du temps dans une famille, sa naissance même peut fonder la famille. Dans le texte de Spinoza, il semble dire que, oui, même si le déterminisme est quelque chose qui peut rendre autrui insupportable, qui peut rendre autrui, faire qu'on ne souhaite pas qu'autrui reste à nos côtés, finalement, la société commune, de cette société commune, dit Spinoza, eh bien, naissent plus de commodités que de dommages. Ça veut dire qu'on peut voir des vertus à ce que nous appelons aujourd'hui le déterminisme, y compris sociologique, Pascal Sévrac? Oui, il y a plusieurs questions. Je pense que, d'un côté, Spinoza tient, au fond, à affirmer l'utilité des rapports sociaux par rapport à l'idée qu'il faudrait rompre avec la société, avec tout rapport social, pour se retrouver dans des formes de solitude, de robinsonnade, parce que là serait le salut. Dans la mesure où on ne se sauve pas tout seul, il va falloir continuer à faire société commune avec ceux qui nous entourent. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas essayer, dans la mesure du possible, de sélectionner ses rencontres, de sélectionner ses habitudes affectives. Mais même cette expression, moi, me plaît, ne me satisfait pas tout à fait, parce que qui dit pouvoir de sélection dit un peu libre arbitre. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit dans le temps, parce qu'on développe une certaine forme de puissance et d'expérience, qu'on parvient peut-être à ne plus se laisser déterminer par certains rapports nuisibles et à se laisser, au contraire, davantage affecter par ceux qui permettent de regonfler sa puissance. Et ça ne veut pas dire forcément de la flatter. Ça peut parfois être quelqu'un qui nous dise nos quatre vérités. Mais en tout cas, ce que essaye de défendre comme idée Spinoza, c'est que, avec cette formule un peu étrange de l'homme est un dieu pour l'homme, c'est que c'est dans les autres humains qu'on va pouvoir avant tout trouver quelque chose d'utile. D'utile pour soi. Toujours cette idée qu'au fond, l'altruisme, c'est un égoïsme bien compris. Et qu'en comprenant bien comment persévérer au mieux dans son être, eh bien, on verra qu'il s'agit de composer sa puissance avec celle des autres. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la société n'est que source de bienfaits. Il le dit lui-même. Et ce sur quoi insiste Bourdieu, c'est sur le fait que, bah oui, qui se ressemble s'assemble, qu'on a beau se croire libre de nos choix, comme par exemple le choix de notre compagne, de notre compagnon, de notre mari, de notre femme, bah, tout ça c'est très socialement déterminé. Ceci dit, d'abord, il peut y arriver des rencontres qui déjouent justement les déterminismes strictement sociaux. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi d'autres formes de déterminisme que le déterminisme attendu socialement. Et même, j'irai chercher un texte de Bourdieu qui le dirait. C'est Bourdieu, dans, je crois bien, La domination masculine, fait à la fin un petit texte très étrange où il dit ben, « L'amour, parfois, a quelque chose de qui transcende le social. » C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible, parce qu'on a été affecté par un autre, déterminé dans sa joie par un autre, qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à sa classe sociale. C'est très rare, dirait Bourdieu. Et ça ne remet pas en cause cette idée de reproduction sociale. Mais on pourrait dire qu'il existe en effet des formes de rencontres qui sont aussi inattendues, qui ne sont pas seulement socialement attendues. Ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sera indéterminé. Ça veut dire que dans le social, il y a en effet des puissances constituées qui font qu'on est quand même amené à rencontrer et à aimer et à évaluer comme bon et ben ceux qu'on a été déterminés à évaluer comme bon. C'est ce que vous disiez très bien en rappelant que si on désire une chose, c'est pas parce qu'on la juge bonne, mais c'est parce qu'on la désire qu'on la juge bonne. Et on a été déterminé à évaluer positivement tel ou tel type d'individu. Et donc à désirer les rencontrer et peut-être faire notre vie avec eux. Mais bon, il s'agit peut-être parfois aussi de se défaire de ces déterminations en développant d'autres déterminations, parce que ces déterminations du jugement, ça peut être des préjugés, des jugements tout faits. Mais c'est la question que je voudrais vous poser, Pascal Sévrac. Dans quelle mesure est-ce que le déterminisme spinoziste est identique au déterminisme sociologique tel qu'il a été énoncé par Bourdieu dans cet extrait, même si la sociologie de Bourdieu est plus subtile que ce qu'il énonce ici. Mais voilà, y a-t-il une possibilité dans le déterminisme spinoziste de changer le rapport de force dans la détermination, par exemple, dans ce qui nous détermine? Il me semble qu'il y a une possibilité, et d'ailleurs Spinoza en appelle à cette réforme de l'entendement, à cette conversion de l'esprit, il y a une possibilité d'évolution qui rend peut-être plus optimiste que la sociologie déterministe, elle, ne tente de le faire. Je serais assez d'accord, oui, pour dire que... Bon, Bourdieu dit parfois, je suis assez effaré de voir à quel point les gens, les êtres humains sont déterminés, socialement déterminés, et même plus que ce qu'ils ne le pensaient. Et peut-être que, d'une certaine manière, cette force de détermination sociale, eh bien, aboutit à une certaine forme de statisme. On se demande comment il va y avoir un peu de jeu là-dedans, comment il va y avoir un peu de mouvement et comment on peut récupérer justement les choses. Et Spinoza développe une éthique justement, bon, qui a quelque chose à voir quand même avec la sociologie réflexive de Bourdieu. C'est par la connaissance aussi qu'on peut introduire un peu de jeu. Mais on pourrait se dire qu'il y a quand même un certain fond de pessimisme théorique quand même chez Bourdieu. Alors qu'il y a une plus grande peut-être dynamisme, je ne veux pas dire optimisme, mais théorique chez Spinoza. Ceci dit, Bourdieu, c'est celui aussi qui prend son mégaphone et qui va à Gare de Lyon défendre ceux qu'il juge être les plus dominés, opprimés. Et alors, est-ce qu'on peut se dire que, bah oui, il y a aussi cette idée. Alors, je ne sais pas si ce qu'il a fait se déduit de sa théorie, mais en tout cas, il a joué de sa puissance et de la détermination de toute son aura d'intellectuel pour faire quelque chose. pour le bien, pour le mal. Et lui-même était un contre-exemple à sa propre théorie, puisqu'il n'était pas enfant d'enseignant, loin de là. Oui, exactement. Donc, il pourrait... Mais en même temps, il dirait que d'une certaine manière... Alors, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'ont aussi développé des chercheurs comme Chantal Jacquet. Il peut y avoir quelque chose, parfois, comme de la non-reproduction ou des transclasses. Ça peut arriver, mais ça ne... signifie pas qu'il faut tomber non plus dans l'illusion du self-made man qui se fait tout seul et qui peut échapper comme ça en se tirant par les cheveux, là, comme le baron de Münchhausen, il peut sortir de ses propres déterminations. Ça demande du temps et puis ça demande aussi des rencontres. Bourdieu, en effet, était quand même aussi un enfant et qui a bénéficié de la détermination républicaine de l'école et qui ne s'est pas fait tout seul. Mais je pense qu'avec Spinoza, on peut peut-être à la fois utiliser l'outil de Bourdieu, mais avec l'outil de Spinoza, on peut peut-être introduire davantage de dynamisme dans cette idée que, il y a la possibilité d'une réforme de soi-même. Moi, j'irais presque jusqu'à dire d'une transformation. Une transformation qui est une transformation cognitive et affective et qui fait que petit à petit, un changement est possible. Même si, peut-être là, je m'illusionne, un sociologue pourrait se dire « Ah tiens, c'est le philosophe qui croit que par une décision souveraine de sa puissance, il va complètement changer de vie. » Spinoza a tenté ce changement de vie. C'est le début du TRE. Et selon lui, il y est petit à petit parvenu. Alors ça ne veut pas dire... Traité de la réforme de l'entendement, voilà, je précise le terme. Traité de la réforme de l'entendement, il se raconte un peu. Il raconte comment il a essayé de changer de vie parce que sa propre vie ne le satisfaisait pas. Et d'une certaine manière, il y a cette idée chez Spinoza que même si la décision est jamais complètement libre, même si on n'est jamais du tout en situation de toute puissance, puisqu'au contraire, on est un empire au sein d'un autre empire, on n'est pas du tout un empire d'une certaine manière, et bien même s'il y a toutes ces déterminations, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser les bras et qu'il n'y a pas à développer sa propre puissance jusqu'à devenir cause adéquate de ce qu'on fait, de ses propres pensées. C'est jamais gagné définitivement, c'est toujours des petits progrès et de grandes régressions. On a toujours une bêtise aussi, sans doute, qui est propre à son intelligence. Mais il y a cette idée que, il y a cette possibilité. Et je pense que Bourdieu, qui était intéressé quand même par Spinoza beaucoup, a quand même aussi un peu cette idée quand il fait de la sociologie. C'est que il y a quand même un petit peu la possibilité de faire bouger les choses d'un point de vue individuel et d'un point de vue social, en développant justement des outils théoriques qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Voilà. Et reste à savoir si le développement de ces outils théoriques et le rôle du professeur, par exemple, que vous êtes notamment, Pascal Sévrac, des parents ou d'autres agents que dès l'enfance nous pouvons rencontrer, qui viendront modeler notre raison, la raison étant la voie vers la liberté pour Spinoza. Et pour ce faire, je vous propose qu'on aborde ce dernier point maintenant. Vous avez écrit notamment un texte justement sur la question de l'éducation chez Spinoza. Et on est au cœur de notre sujet, puisque si l'homme ne se vit pas sans les autres hommes, s'il est sans cesse dans des interactions, pris dans des interactions dès la naissance, alors le rôle de l'éducation est absolument fondamental, parce qu'il va influencer de manière très forte le développement justement de chaque individu. Et je vous propose qu'on aborde ce point par un contre-exemple, par un autre texte qui n'est pas celui de Spinoza, mais qui est celui de Rousseau, qui est l'auteur de « Émile » ou de « L'éducation », qui date de 1762, et dans lequel il montre comment l'enfant est absolument déterminé par cette éducation, et c'est pour ça que lui propose une éducation qui serait, disons, alternative. Tout ce que nous n'avons pas à notre naissance, et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l'éducation. Cette éducation nous vient de la nature, ou des hommes, ou des choses. Le développement interne de nos facultés et de nos organes est l'éducation de la nature. L'usage qu'on nous apprend à faire de ce développement est l'éducation des hommes. Et l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent est l'éducation des choses. Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres. Le disciple dans lequel leurs diverses leçons se contrarient est mal élevé et ne sera jamais d'accord avec lui-même. Celui dans lequel elles tombent toutes sur les mêmes points et tendent aux mêmes fins va seul à son but et vit conséquemment. Celui-là seul est bien élevé. Or, de ces trois éducations différentes, celle de la nature ne dépend point de nous. Celle des choses n'en dépend qu'à certains égards. celle des hommes est la seule dont nous soyons vraiment les maîtres. Encore ne le sommes-nous que par supposition, car qui est-ce qui peut espérer de diriger entièrement les discours et les actions de tous ceux qui environnent un enfant ? Pascal Sévrac, qu'on peut dire, et dans ce texte il me semble que c'est flagrant, que Rousseau fait partie de ceux qui considèrent l'homme comme un empire dans un empire ? C'est pas sûr, parce que d'une certaine manière, il nous dit que y a une partie de l'éducation qui vient nécessairement des autres hommes et de ceux qui nous environnent, et que d'une certaine manière, pour bien éduquer un enfant, il faudrait changer la société. Et c'est pour ça donc qu'il va produire cette fiction d'un Émile qui serait d'une certaine manière éduqué en dehors de toute institution par un précepteur idéal. Alors, on pourrait dire non, il pense vraiment des influences, mais là où il n'est pas spinoziste, c'est que d'une certaine manière, il dirait qu'il faudrait que l'homme n'est pas un dieu pour l'homme, qu'il faudrait vraiment rompre avec quelque chose de la société pour pouvoir développer une éducation vraiment utile, vraiment bonne. Oui, il n'y a pas beaucoup d'affects positifs dans la société, selon Rousseau. Exactement. Donc, les affects joyeux n'ont pas leur source dans la société, ça c'est vrai. Pas trop, peut-être la fête, peut-être certaines modalités sociales, mais c'est vrai qu'elles sont. On sent que c'est pas dans le social que Rousseau veut trouver son salut. Mais d'une certaine manière, ce que pourrait dire Spinoza, c'est que oui, l'éducation ordinaire, c'est une éducation à l'obéissance, c'est une éducation à la responsabilisation, et c'est d'une certaine manière très important. Qui dit responsabilité dit par exemple que on fait croire à chacun qu'il doit répondre de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a du libre arbitre. Mais cette croyance, elle est tout à fait utile socialement. Si on commençait à se sentir complètement déresponsabilisé et ne plus avoir du tout à répondre de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, ce serait sans doute invivable, tant dans les familles que dans la rue et dans la vie commune. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cet imaginaire tout à fait utile il soit le fin mot de toute éducation. On peut aussi développer une éducation qui sera alternative en même temps que la première. Je dirais que la première est morale et que la seconde, elle est éthique au sens spinoziste. La première, elle est morale parce qu'il s'agit d'apprendre avant tout à obéir, il s'agit d'apprendre à se responsabiliser, il s'agit d'apprendre à ce qui est le bien et ce qui est le mal, en tout cas dans tel ou tel groupe humain. C'est pas forcément toujours la même chose. D'un groupe humain à l'autre, même s'il y a aussi des propriétés communes. Et donc, il faut apprendre ça. C'est à partir de ça qu'on peut vivre dans le groupe. Mais il faut aussi comprendre, peut-être, que il y a des déterminations qui font que, par-delà nos responsabilités, par-delà notre moralité, nous sommes poussés à faire des choses. Il ne s'agit pas d'excuser, d'une certaine manière. Il s'agit, au contraire, de dire, tout est dans la cause, tout est dans les causes, dans les déterminations, et on va essayer d'établir des institutions, des éducations, qui permettent justement de contrebalancer ce qui, dans les comportements, est le plus nuisible. Oui. Et d'ailleurs, Spinoza pense que l'éducation au remords, au repentir, c'est pas forcément les meilleures éducations. C'est sans doute nécessaire pour rabaisser un peu l'orgueil des humains. Mais il vaut mieux essayer de comprendre et de développer des affects de joie vraiment positives plutôt que de seulement éduquer par... on est deux fois misérable, dit-il, lorsqu'on est dans le repentir. Donc, c'est pas une éducation morale, une éducation par la tristesse, c'est une éducation par autre chose. Mais elle ne peut avoir lieu qu'en parallèle avec la première. Mais là où Rousseau et Spinoza s'opposent dans leur pensée de l'éducation, c'est que pour Rousseau, le but de l'éducation, c'est de corrompre le plus tard possible l'enfant dans le commerce dans lequel il entrera nécessairement avec autrui. Alors que pour Spinoza, il le dit, il y a au contraire la volonté de changer, de transformer, disiez-vous, l'enfant. Il écrit à la fin du scoli de la proposition 39 de la cinquième partie « Dans cette vie, nous faisons un effort particulier pour que le corps de l'enfance, autant que sa nature le supporte et y contribue, soit changé en un autre qui soit apte à un très grand nombre de choses et qui se rapporte à un esprit qui soit extrêmement conscient de lui-même, de Dieu et des choses. » Il dit bien, le corps de l'enfance doit être changé en un autre. Oui, exactement. Changé en un autre, donc c'est cette idée de transformation. Alors une transformation qui n'est jamais brutale. Il ne s'agit pas de transformer le jeune enfant en une espèce d'adulte ou d'enfant adulte qui serait contraire à sa première nature. Il s'agit d'une transformation lente, mais d'une transformation radicale pour effectivement déployer au maximum les puissances de l'individu. L'enfance, c'est quand même une figure de l'impuissance chez Spinoza. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une figure intéressante. Ça veut dire que c'est un être en développement, et ce développement doit passer par la transformation de ses puissances cognitives et affectives, de telle sorte qu'on en fasse un être le plus épanoui possible. Donc il ne dirait pas qu'il faut corrompre le plus tard, il dirait au contraire, bon bah, dans la mesure, on part de ce qu'on a, on part aussi des éducations telles qu'elles sont, et puis on travaille avec cet individu pour essayer de le modifier. Et c'est bien, nous faisons un effort, c'est un nous, c'est-à-dire ce sera collectif. L'enfant sans doute fait partie du nous. Il ne faut pas non plus qu'il soit un pur élément passif dans une éducation. Mais tout ça, c'est le corps enseignant, c'est le corps parental, c'est les institutions. Et sans doute que c'est lorsqu'elles sont les plus rationnelles et les plus porteurs d'affects qui ne sont pas des affects d'amoindrissement de puissance, qu'on peut essayer d'éduquer dans la bonne voie. Mais c'est quelque chose à penser, parce que dans ce fameux traité de la réforme d'entendement, Spinoza dit qu'il faudrait développer une doctrine de l'éducation, mais jamais il ne la développe. Ça veut dire que ça l'intéresse, mais qu'il nous a juste donné des petits morceaux, des petits principes, et que c'est à nous de construire les choses. Eh bien, c'est à nous de construire les choses, et d'ailleurs que ceux qui sont confinés avec les enfants essaient hein, justement de mettre en pratique, essayer de transformer le corps de l'enfance en un autre, c'est un sacré défi. Merci beaucoup Pascal Sevrac d'être venu nous parler de Spinoza ce matin, enfin d'être venu, d'être resté chez vous, et d'avoir eu cette discussion avec moi ce matin derrière le micro. Merci beaucoup à vous. On mettra en ligne les références de vos ouvrages sur Spinoza, ils sont nombreux, et ils nous aident à chaque fois à préparer des émissions que nous vous proposons sur Spinoza. Au revoir Pascal Sevrac, à bientôt. Au revoir. Furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. Mais pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends le mot déconfinement, je pense surtout à déconfiture, puis à confiture, puis à tâche, et enfin à nettoyer. Loin de ceux qui voient ainsi dans cette période inédite une sorte d'expérience philosophique, celle où les affirmations tombent et les doutes dominent, une expérience donc de scepticisme, j'y vois plutôt, pour ma part, une expérience domestique, où tout ce qui tâche doit être ciblé et éliminé. Ranger, laver, savonner remplissent mes journées, et c'est tout naturellement qu'entre fatalité et lassitude, mon goût à la propreté est devenu immodéré. D'où ma question aujourd'hui, que peut apporter la propreté, sinon de la propreté? Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles, trier le linge, sale de l'hôtel, brûler mes mains dans l'eau de javel, car j'ai un amoureux, Je n'ai jamais eu de problème particulier avec le ménage. Je le faisais sans y penser, ni trop, ni pas assez. Maniaque du rangement, les tâches ménagères avaient en revanche à peu près échappé au champ de la manie. Tout a pourtant dérapé pendant ce confinement où, confronté chaque jour, chaque heure à déballer des jouets, des assiettes, des couches, des tasses ou autres, puis à les ranger, j'ai été prise d'une frénésie sur une tâche spécifique, la lessive. Quand j'y pense, c'est assez frappant que ce soit la lessive qui ait eu toutes mes faveurs, car c'est peut-être ce qui, dans mon foyer, a été le moins touché par le confinement. Je ne m'habille pas plus qu'avant et je ne passe pas plus de temps dans mon lit. C'est pourtant le fait de trier le linge, d'organiser des temps de lavage, de trouver les meilleurs moments de la journée pour l'étendre et même de le plier qui m'a le plus passionnée. Retrouver le linge propre, frais, blanc, immaculé m'a procuré une rare sensation de bonheur. J'avais en tête ces films où le linge est étendu en pleine campagne verte et où le soleil le chauffe en quelques instants. Bizarrement, faire une lessive a été une forme d'évasion, alors qu'il n'y a rien de plus domestique, genré et stéréotypé que cette activité. Pourquoi une telle libération avec un tel cliché? Comment s'acharner à la propreté peut-il provoquer une telle sensation de liberté? Vous saviez ça? Je n'utilise plus ma poudre à laver. Et mes textiles modernes deviennent parfaitement propres malgré ces taches de graisse. Grâce à Visir, la nouvelle lessive liquide tout lavage. Visir vise la saleté au plus profond du linge. Sa force liquide sans bouillir fait disparaître les taches les plus rebelles, comme le cirage ou la saleté qui s'incruste autour des cols. Quand on regarde les publicités pour la lessive, rien de plus cliché. Même Roland Barthes, à la fin des années 50, en a fait une mythologie, analysant quelques paragraphes cette manière de laisser penser que les capsules de détergent ont une puissance saine ou la faculté de donner de la profondeur aux surfaces du linge. En pleine crise sanitaire, je me dis que c'est peut-être ce pouvoir décontaminant de la lessive qui m'a plu, et qu'en plein confinement, c'est peut-être cette capacité à rendre profond l'immuable quotidien qui m'a frappée. Mais quand même, la propreté, je crois, est plus qu'une simple question d'effet ou d'impression. Ce n'est pas qu'un effet sain ou profond que le linge frais et blanc provoque. Mais alors quoi ? Que provoque, que permet la propreté, soit l'absence de saleté, de salissure et de déchets ? Certains y voient une forme de toute-puissance. Laver, c'est reprendre la main, littéralement, sur ce qui a débordé, ce qui nous a échappé, c'est purifier la souillure. Mais qu'en est-il pour la lessive où l'essentiel est fait par une machine? Est-ce la blancheur, en tout cas l'absence de taches, qui dessine un espace net, un espace clair et net qui permet de mieux penser? Ou est-ce la fraîcheur qui permet de mieux respirer? La femme n'est plus une esclave, dont il faut plaindre le sort. On ne la voit plus qui lave, sa lessive se fait pendant qu'elle dort. Car elle emploie la poudre à laver Katox, qui lave toute seule et fait le linge blanc. Ma passion lessive m'a mise en fait devant ce paradoxe, la passion pour ce qui est précisément sans objet, sans enjeu, sans relief. Plus, la passion pour ce qui consiste à éliminer tout objet, tout enjeu et tout relief, pour rendre l'ensemble neutre. On pourra me dire que la propreté est une question d'éducation, une nécessité pour bien vivre. Mais il faut le dire, se passionner pour ça, c'est quand même se passionner pour rien. Pour ce qui consiste à créer du rien, de l'absence, de la pure et simple netteté. Évidemment, je suis sensible à la dimension cosmétique de la pureté. Mais une passion sans objet est-elle encore une passion ? C'est là, je crois, le problème de la propreté, ou alors peut-être son grand pouvoir, notamment en cette période troublée. C'est une passion dépassionnée. Qui l'eût cru ? La propreté ne nettoie pas seulement les surfaces ou le linge, elle lave aussi le cœur, elle lessive. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinée ou pas, à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Clara De Giovanni, Nicolas Berger qui réalise cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Olivier Arnay. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. À Éric Arson-Macarel pour la lecture des textes. Je vous donne rendez-vous demain pour un Profession Philosophe. Ce sera l'occasion demain de redécouvrir le Profession Philosophe enregistré avec la philosophe Chantal Jacquet, qui est spinoziste et qui aurait dû être associée à cette semaine que nous venons de vous proposer autour des phrases spinozistes. À cause du confinement, Chantal Jacquet n'a pas pu y participer. C'est notre manière de l'associer quand même à cette semaine en proposant donc la nouvelle écoute de cette émission. Ça, ce sera demain, mais d'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On sera ravis de répondre à vos commentaires et vos questions. À demain, 10h donc, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.